Américaine, épris d'amnésie, nos voisines sont dominicaines. Vie dans la magie et le vaudou, pas de mots doux, le mal comme module, on se lave avec de l'eau douce. Ma terre rime avec guerre et misère, produit non stérilisé, très loin des Champs-Élysées, parmi chevaux et gazelles, là où la zèbre n'est pas une mauvaise herbe. Nos présidents des escrocs se barrent avec l'oseille. Poser mes vers sur le café, la richesse, la canne à sucre, île des Caraïbes, la plage, dormir là-dessus. Dictature dure, première république noire indépendante, grâce à Toussaint l'ouverture. Cité soleil, le kidnapping à la mode, crime quand la misère prime, emmène les gosses à la mort. Sur un air de combat, parmi les combats de coq, les tontons m'accoutent pas, corrompus par la drogue et les trafics. Déportés d'Afrique, ex-béninois, chante le blues comme en Illinois, pour commander les noirs, ma terre fertile, d'un naturel prestige, hérite de la force et du corporel vestige. Unique vers la Floride, la France ou le Canada, bout de pipe, le transport fini à la nage. Calamar en nos troupes, chez nous, y'a pas de mal à bas, c'est ça là-bas. Galère te pousse, achèquera la dalle. Ma terre rime avec souffrance. Doléance, ma terre sous transe. Ma terre rime avec souffrance. Cri non matérialiste et dans sous transcrit. Roger mon château, champion, check, drogue illicite pour la mode, check le maton, vogue le bichu patron, les citron en masse, baisser tasse, monopied, fesser l'état, percer, sortir de l'impasse. Triste néfaste, densité du banditisme, la cité, c'est l'enfer, les banditrimes en grande quantité. Dans la famine, ça danse, musique, notre McDo, c'est moule poulet, la famille hurle de peur. Châtelet, ça gonfle, tous les jours, tous les crânes foulés. La rancune reine, crime, les châtelets, le jour sombre, la prime, querelle pour prime, dégâts corporels, mes rêves, c'est inadmissible. Tels nos débats, dès le départ, interne et materne dans ce combat. Civil guerre, adultère, si vulgaire qu'on peut tuer d'une insulte, un péninsule perpétué. Dans le mal, jamais eu peur de tuer. Écrouer l'inspecteur, le lieutenant, pour souhaiter restreindre nos chances. Ma terre, puissante économiquement, cuivre orphelin. James Bronze, y'a pas que des orphelins. Blues 12-24, bull déchégué. Ma terre MCB, dans l'hôtel à sable, tel un bébé du haut débit. Matériel en luxe montré, on est montré nos richesses bien beauté. Pour salutation, ma terre nation, reine de beauté. Ma terre rime avec souffrance. Doléance, ma terre sous transe. Ma terre rime avec souffrance, cri non matérialiste et dans sous transcrit. Ma terre rime avec souffrance. Doléance, ma terre sous transe. Ma terre rime avec souffrance, cri non matérialiste et dans sous transcrit.